Il est 9h06, vous écoutez France Culture, c'est l'heure du cours de l'histoire avec vous, Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Sophie Delpont, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Noël approche, les grandes préparations culinaires sont déjà envisagées, c'est une passion française, la gastronomie. Et bien puisque lundi c'est ravioli, nous partons en Chine car le ravioli aujourd'hui est chinois. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1813, Madame Tardieu de Nesle fait paraître un précis élémentaire de géographie moderne des cinq parties du monde. C'est un ouvrage à l'usage de la jeunesse. Elle nous fait voyager à travers les cultures, les costumes et la cuisine, bien sûr. Pour la Chine, elle écrit « La nourriture du peuple est toujours la même. Il la renouvelle régulièrement, tous les 4 heures. Les aliments sont du riz bouilli, des légumes ou des navets coupés par morceaux et frits dans de l'huile. En général, la cuisine chinoise manque de propreté. La table sur laquelle les Chinois mangent n'est pas élevée de terre de plus d'un plié. Ils s'asseyent autour de cette table sur le plancher. Le vaisseau qui contient le riz est placé près de la table. Chacun en remplit son petit bassin et le mange avec des végétaux frits à l'aide de 2 petits bâtons pointus. Ah bah oui, ce sont les baguettes. Madame Tardieu ne connaît pas grand-chose à la cuisine chinoise, mais en 1813, il est intéressant qu'elle évoque cette cuisine chinoise, car ce début du 19e siècle est celui de la gastronomie. C'est en 1801 que Joseph Berchoux a inventé le mot « la gastronomie », l'homme des champs à table, un long poème dans lequel on trouve cette sentence « un poème jamais ne valut un dîner ». Françoise Saban, bonjour. Bonjour. Enfin, plutôt devrais-je vous dire She finally met you. Je le dis bien. She finally met you, oui. Bonjour. Effectivement, cette petite adresse qui signifie avez-vous mangé était une façon de dire bonjour auparavant en Chine. On s'enquérait de la santé, en fait, de la personne qu'on rencontrait en lui demandant s'il avait bien pu prendre un repas. N'importe lequel, mais au moins se nourrir, se remplir le ventre une fois par jour. Évidemment, cette formule est très connue en Chine, est toujours très connue, mais elle n'est plus utilisée dans le sens de as-tu pris ton repas, bonjour, c'est fini. Je veux dire, maintenant, les Chinois mangent largement et il y a une abondance alimentaire en Chine qui ne nécessite plus qu'on s'enquière de la bonne santé de son voisin ou de son parent lorsqu'on le rencontre pour la première fois dans la journée en lui disant « As-tu mangé ?» Voilà, maintenant c'est Ni Hao qui a remplacé le « Je parle le meiyu », j'ai essayé encore une fois de le dire, Françoise Saban, mais c'est vrai que chez nous, le « ça va » correspond aussi à ce souci que la personne aille bien de ce qu'elle mange et de ce qu'elle peut évacuer. Est-ce que tout va bien avec cette question dès qu'il s'agit de la cuisine chinoise? Dites-nous, Françoise Saban, est-elle la plus ancienne du monde? C'est quelque chose que nous entendons souvent, la plus ancienne cuisine du monde. Oui, alors ça dépend évidemment de quoi on parle, parce que d'abord, la civilisation chinoise, contrairement à ce qu'on croit, en tous les cas pour ce qui est des textes, des sources d'écriture, n'est pas si ancienne que ça, puisque les premiers signes d'écriture, ce n'est pas avant le 15e, 14e siècle ou même 13e siècle. Mais évidemment, on a des témoignages ensuite de textes très anciens, de classiques, où il y a des descriptions de plats qui semblent magnifiques, enfin de plats qui ont l'air extrêmement appétissants. On a des sources archéologiques, effectivement antérieures à l'époque chrétienne, où il y a, par exemple, on a retrouvé beaucoup de briques incisées dans les tombes où on voit des scènes de cuisine. Et donc, on peut imaginer que la cuisine chinoise, ou en tout cas la haute cuisine ou la grande gastronomie, celle qui se pratiquait dans les cours princières et royales, est très ancienne. Mais si l'on s'intéresse, si l'on parle des recettes en elles-mêmes, c'est-à-dire des recettes enregistrées dans un texte bien structuré, avec les techniques descriptives permettant de faire la recette en question, là, c'est, je dis pas que c'est récent, mais ça date en gros du 6e siècle, c'est-à-dire que les premières recettes vraiment que l'on peut appeler recettes ont été incluses dans un traité d'agriculture qui date du 6e siècle. Et là, on a environ 300 recettes qui sont très raffinées parce que elles étaient probablement destinées aux couches les plus élevées de la société à l'époque. Il y a à la fois des recettes de cuisine et, ce qui est très intéressant, il y a des recettes de boissons alcooliques et des recettes de sauces toutes faites, si je puis dire, à partir d'opérations de fermentation extrêmement complexes. Donc, est-ce que cette question de la plus ancienne est vraiment une question fondée? Je n'en suis pas sûre, puisque ça dépend vraiment de quoi on parle. Pour moi, on peut dire qu'une tradition gastronomique naît à partir de recettes que l'on peut identifier. Donc, bien sûr, il y a bien avant l'époque chrétienne des textes, un très fameux texte poétique qui s'appelle « Le rappel de l'âme » où on cherche à faire revenir l'âme du défunt en lui décrivant toutes les jouissances de l'existence auxquelles il échappe si son âme s'en va vers on ne sait pas trop où d'ailleurs. Là, on a parmi les plaisirs qu'on lui vante de l'existence qu'il est en train de quitter, et bien il y a une série de noms de plats qui effectivement suscitent la gourmandise. Moi, j'ai ce souvenir de la tortue en sauce rouge qui excite la gourmandise, bien évidemment. Donc, la bonne chair existait, présente dans les textes très anciens, mais les recettes et l'enregistrement de recettes ne datent du 6e siècle. Alors, dans ce traité du 6e siècle, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur a recensé tous les traités anciens des aliments. Donc, on peut reconstituer une espèce d'histoire antérieure de l'art culinaire à travers ces recettes anciennes. Mais elles sont incluses dans le traité d'agriculture du 6e siècle et donc on peut considérer qu'elles sont relativement récentes. Et puis l'évocation de la cuisine chinoise nous conduit parfois encore plus loin, avant Jésus-Christ, avant notre ère, avec Yi Yin. Yi Yin, personnage fascinant parce qu'il a commencé sa carrière comme cuisinier et il a terminé comme ministre dans la dynastie Shang, c'est-à-dire que là nous sommes aux limites du monde mythique. L'harmonie s'obtient par la combinaison du doux, de l'acide, de l'amer, du piquant et du salé, au moment opportun et en quantité appropriée, dans une subtile alliance qui a ses raisons propres. Les transformations qui s'effectuent à l'intérieur du chaudron sont délicates et impalpables. On ne saurait en rendre compte par la parole, ni même les comprendre par la volonté. Elles sont semblables à la conduite du char et au tir à l'arc, aux transformations du yin et du yang et à la succession des saisons. Les mets sont cuits, mais n'ont pas perdu leur forme. Ils sont doux sans être écœurants. Ils sont acides sans être aigres. Ils sont salés sans être saumâtres. Ils sont piquants sans emporter la bouche. Ils sont d'un goût subtil, sans être fade. Ils sont moelleux, sans être gras. Nathalie Canouille, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lit cet extrait, un texte des printemps et automne. Donc là, nous sommes sur un monde un peu mythique avec ce personnage de Yi Yin. Françoise Saban, il y a quelque chose ici qui nous interpelle quand nous évoquons ces premiers temps de la littérature chinoise où il est déjà question d'une réflexion sur ce qu'est la cuisine. Oui, alors c'est intéressant. Le personnage de Yiyin est un personnage évidemment complètement mythique, dont on a fait très récemment, après la réforme de 1978-79, dont on a fait le patron des cuisiniers. Mais finalement, derrière cette magnifique description des opérations culinaires, Yiyin ne fait pas un cours de cuisine. Il fait un cours de politique à son futur empereur, en lui disant « c'est comme ça que vous devez maîtriser votre royaume », à l'instar du cuisinier qui maîtrise les goûts, qui maîtrise les cuissons à l'intérieur du chaudron, et c'est ainsi que vous devez gouverner. Donc, c'est intéressant parce que cette idée du cuisinier qui devient ministre défie les bonnes façons de gouverner, en fait, alors que Yiyin montre que gouverner, c'est exactement comme le travail du cuisinier. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une tradition, une espèce de tradition exégétique en Chine. Certains historiens contestent le fait que Yiyin, qui était donc qui fut un grand premier ministre selon la légende, ait jamais pu être cuisinier. Oui, parce que là, nous avons ici quelque chose qui est sur une réflexion politique et pas tellement de la cuisine, même si la cuisine fait partie de la réflexion globale d'une société et notamment sur les origines de ce qu'est la cuisine. C'est-à-dire que dans ce monde, nous parlons déjà de la Chine, mais nous sommes à la proto-histoire, il y a toute cette réflexion sur la nécessité de manger, celui qui mange cru, celui qui mange cuit. Et cela est essentiel dans la vision du barbare, en fait, tout simplement. Nous avons notre vision occidentale où le barbare est celui qui ne parle pas le latin ou le grec. C'est lui le barbare. En Chine, c'est différent. C'est celui qui mange cru. Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a une analogie dans la manière de voir les barbares, disons, en Occident et en Chine. Mais c'est vrai qu'en Chine, la comparaison entre le sauvage, le barbare et le civilisé se place sur le plan de ses manières d'être et en particulier les manières de manger. C'est-à-dire que la personne civilisée, ceux qui seront des Chinois ultérieurement, pour l'instant on n'est pas encore vraiment en Chine, cultive des céréales, il les mange cuites et il mange les viandes cuites aussi, alors que les barbares sont considérés comme des mangeurs de nourriture crue des buveurs de lait à la limite. Ça, cette image du barbare ultérieurement, on ajoutera au menu du barbare le lait. Qui est le lait non préparé, c'est-à-dire le lait cru lui aussi, symbole aussi de barbarie, c'est-à-dire manger de la viande, même quand elle sera cuite ultérieurement, on considérera que les barbares ultérieurement, aux époques mythiques, mangeaient quand même des aliments cuits, mais on prendra comme modèle de leur alimentation la viande et le lait. La viande et le lait comme modèle d'alimentation pour le barbare, avec toute cette réflexion autour de la cuisine. La cuisine, tout simplement pour vivre, il faut trouver de quoi manger et trouver autour de soi, cultiver, élever. Et puis après, il y a la cuisine au sens de plaisir, de raffinement. Alors, dans ces deux regards que nous pouvons porter sur la cuisine, Françoise Saban, il y a déjà la géographie qui rentre en ligne de compte. J'évoquais ce que l'on peut trouver autour de soi. Les plantes ne sont pas les mêmes partout en Chine. Il faut rappeler que c'est un immense territoire. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus probant de parler de cuisine, mais au pluriel, quand nous parlons de la cuisine chinoise ? Oui, vous avez tout à fait raison. Si on pense que la Chine est 17 fois plus grande que la France, on peut bien imaginer que d'est en ouest et du nord au sud, il y a plus de 5000 kilomètres. On peut bien imaginer que les climats et le contexte écologique des régions a une grande influence sur la cuisine. au fond, il y a des cuisines effectivement très différentes, mais la grande opposition qui structure toute cette vision d'une Chine, d'une culture culinaire qui va bien au-delà, c'est la grande opposition entre le Nord et le Sud. C'est cette opposition que les géographes faisaient et que font encore d'ailleurs entre la Chine du blé au Nord et la Chine du riz au Sud. Ce qui n'est pas tout à fait juste d'une certaine façon parce que au Nord, c'est au fond la Chine du millet puisque la céréale civilisationnelle de la Chine du Nord, c'est le millet, ce n'est pas le riz. Le riz est cultivé dans le Sud. Et le blé viendra beaucoup plus tard. Il se généralisera, la culture du blé en Chine se généralisera dans les premiers siècles de notre ère, même s'il est attesté bien avant. Et puis, il y a le riz, évidemment, c'est vrai. Donc, si vous voulez, il y a cette grande opposition qui joue sur des stéréotypes, évidemment, puisque... les gens du Sud mangent des choses, ça c'est le point de vue des gens du Sud, considérés comme beaucoup plus raffinés que ce que mangent les gens du Nord qui, vu du Sud, sont un petit peu assimilés aux barbares du Nord. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils mangent de la viande, ils mangent justement du lait fermenté et des pâtes alimentaires de blé. Alors qu'au Sud, on mange du riz, bien évidemment, des poissons, des algues, des légumes verts. Ça, c'est la grande opposition de base qui est fondée sur un cliché, bien évidemment, mais qui fonctionne parce qu'il y a ça recouvre des différenciations de tous les ordres dans la culture chinoise, dans la médecine, dans les écoles poétiques, etc. Mais bon, nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la cuisine. Et sur le plan culinaire, effectivement, il y a ces deux grandes oppositions. Mais ajouté à ces deux grandes oppositions, il y a évidemment, on considère qu'il y a plusieurs grandes cuisines en Chine, définies par des critères régionaux. Alors, il y a une bataille terrible pour savoir combien il y a de grandes cuisines en Chine, mais ça commence à partir de 4. Et les 4 grandes cuisines chinoises, au fond, ce sont les 4 points cardinaux. Vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ensuite, chaque province revendique d'avoir une grande cuisine. Donc, il y a 22 provinces, vous voyez, on peut aller jusqu'à 22. Mais les 4 grandes cuisines reflètent, ou on leur attribue certains goûts dominants. Alors, au nord, c'est plutôt le vinaigre, les saveurs fortes. À l'est, du côté de Shanghai, ce sont des saveurs fines, un peu quelquefois sucrées. À l'ouest, au Sichuan, ce sont les épices, le piment. Et au sud, dans la région de Canton, la cuisine cantonaise, qui est considérée comme la cuisine la plus raffinée de Chine, il y a une ouverture aux saveurs de l'étranger, mais aussi on mange des poissons, beaucoup de fruits de mer, frais et séchés d'ailleurs. Donc il y a ces quatre oppositions. C'est un peu grossier, mais ça répond à l'esprit de systématisation des Chinois qui aiment beaucoup opérer des classements de cet ordre. Mais enfin, sur une superficie aussi grande, il est bien évident qu'il y a des oppositions très fortes, ne serait-ce qu'entre le nord et le sud, ou même entre l'est et l'ouest. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. L'homme est un curieux animal. Quand il a de quoi manger, son goût est particulièrement raffiné. Qu'un plat soit salé, léger, parfumé, sucré, tendre ou très cuit, il sait en percevoir les moindres nuances. Mais quand il n'a rien à se mettre sous la dent, la faim devient son unique préoccupation. Pour peu qu'il puisse être calé par 3 bols de riz, et pas forcément de la meilleure qualité, il baigne dans une joie et une satisfaction indescriptibles. Lu Wengfu, vie et passion d'un gastronome chinois. Vie et passion d'un gastronome chinois, un roman en 1982, publié en Chine, traduit en France en 1988, Françoise Saban. Il y a vraiment dans cette histoire de goût une recherche peut-être aussi de traits communs. Vous nous avez évoqué ces spécificités régionales complètement compréhensibles. Y a-t-il des traits communs à la cuisine chinoise? Alors je dirais qu'il y a un modèle de base du repas en Chine et qui fonctionne sur toute la Chine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui était un modèle du repas de toutes les grandes sociétés agraires en zone tempérée. Hein. Je veux dire, c'est le modèle paysan, c'est-à-dire vous mangez une céréale, disons, avec des accompagnements. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge le companage, c'est-à-dire ce qui accompagnait le pain. En Europe, vous aviez les bouillies, le pain qui tenait lieu de céréales de base. Et en Chine, vous avez exactement la même structure du repas de base, c'est-à-dire qu'il est fondé sur on se nourrit avec des céréales, des grains. En Chine, on disait des grains parce que ces grains pouvaient contenir des légumineuses et moi je dirais même des féculents parce que il y avait donc une hiérarchie des céréales et à l'intérieur de ces féculents il y a des tubercules qui sont très très mal considérés. Donc on doit d'abord apaiser sa faim. En principe, la faim et l'aspect nutritif du repas est satisfait par l'aspect nutritif du repas est satisfait par la consommation d'un féculent. Et puis, on accompagne ce féculent d'autres mets qui sont censés lui apporter de la sapidité. Alors évidemment, selon le statut économique des personnes, aussi bien les accompagnements que finalement la céréale sont plus ou moins raffinés ou plus ou moins volumineux. Mais de toute façon, la céréale doit toujours être plus volumineuse que les accompagnements. Et dès lors, il y a des tas de recettes possibles. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les repas pour des amis consistent en 4 assiettes de hors d'œuvre, 4 assiettes de fruits secs, 4 assiettes de fruits frais, 4 grands bols canards entiers, ailerons de requin, nid d'hirondelle et une viande quelconque, 4 bols moyens, volailles, crustacés et viande, 4 petits bols, champignons, morilles, appelés en Chine oreilles des bois, riz des immortels et de jeunes pousses de bambou, 4 grands plats, poisson, viande de porc, étoile de mer et mouton. Madame Arlette Tang qui présentait la cuisine chinoise dans l'émission Hors de Culture française et dans le cours de l'histoire à table, histoire des cuisines à travers le monde, c'est ce qui nous intéresse cette semaine. Et le lundi, c'est raviolis chinois, bien sûr. Le mardi, c'est spaghettis antiques. Mercredi, sushi, une tranche d'histoire. Et le jeudi, c'est méchoui et couscous aussi. Donc, bon appétit. Et pour le moment, nous allons avec Jeannie, elle, au restaurant chinois. Nous sommes en 1969. Je mange avec des baguettes au restaurant chinois. Ma joie serait incomplète sans baguettes au chinois. Ça fait dans mon assiette comme un ballet oriental. Entre croquettes de soja et pâté impérial. Je mange avec des baguettes au restaurant chinois. Moi je trouve ça très chouette, essaie et tu verras. Du thé bas quoi sans doute, avec des pousses de bambou. Mais tu seras bien exercé pour le canard laqué. Thank you. Oui, mais avec des baguettes, le riz c'était pas tant. Quand je n'ai pas d'argent, je ne prends qu'un bol de riz blanc. Oui, mais avec des baguettes, le riz c'était pas tant. Je mange avec des baguettes au restaurant chinois. Janiel qui mange avec des baguettes au restaurant chinois en 1969 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Et aujourd'hui nous nous trouvons en Chine le lundi, c'est ravioli chinois. Avec vous François Saban, vous êtes historienne, anthropologue, sinologue, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et présidente du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Vous avez écrit avec Silvano Cervanti Les pâtes, histoire d'une culture universelle. Par exemple, là nous avons un sujet extrêmement intéressant, les pâtes chinoises bien sûr. Dans cette culture universelle des pâtes, quelle place ont les pâtes chinoises? Alors, juste un tout petit mot pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le menu dont je vous ai parlé avec pour base un féculent, ça c'est le menu ordinaire. Dès qu'on parle de gastronomie, les choses changent complètement et s'inversent, c'est-à-dire que ce sont les accompagnements qui deviennent importants et la céréale, le féculent est servi en fin de repas sans, et n'a plus l'importance qu'il a dans le cours des jours comme substance nutritive quotidienne. Alors pour les pâtes, alors ça, les pâtes à l'heure actuelle sont un plat, je dirais, très populaire en ce moment, maintenant en Chine. Mais c'était en Chine du Nord. Le ravioli, en tout cas le ravioli ordinaire, pouvait servir de repas complet en Chine. Bon, maintenant, il peut encore servir de plat complet, mais on a beaucoup de choix. On le mange aussi, on peut le manger aussi comme petite nourriture hors des repas, puisque hors des repas en Chine, on est aussi censé manger des petites choses pour couper, pour que la journée ne soit jamais interrompue, qu'il y ait toujours, vous avez toujours un petit creux, donc il faut le satisfaire. Alors donc, on a là aussi, selon les régions, on a puisqu'on parle de ravioli, on a un genre de ravioli qui diffère selon les régions. Donc, dans le Nord, vous avez des raviolis avec une pâte considérée par les gens du Sud comme une pâte assez épaisse, une pâte de blé, et qui peut être farci de viande ou même de viande très différente. Hein, et on peut avoir du porc, de l'agneau, du mouton, du bœuf, avec toujours un peu de gingembre, de l'oignon vert et même du chou chinois. Et puis dans le sud, vous avez un autre genre de... Et ces raviolis, pardon, les raviolis du Nord sont pochés à l'eau bouillante ou peuvent aussi être grillés. Et puis, dans le sud, disons par exemple à Shanghai, la grande spécialité de la région de Shanghai, ce sont des petites, alors on peut appeler ça soit des petits pâtés, soit des petits raviolis, qui sont des petites poches d'une farcie et qui sont cuites à la vapeur. Et ces petites poches avec une pâte assez fine, donc assez différente des raviolis du Nord, de toute façon la forme est complètement différente, sont farcis d'un mélange de viande dans lequel il y a de la gelée de viande. Et quand vous la faites cuire, vous faites cuire cette petite poche qui est toujours très jolie parce qu'elles sont très petites et bien faites avec un petit ourlet au-dessus de pâte, un petit ourlet de pâte. Quand vous êtes prêts de les déguster, alors là, si vous avez des amis chinois qui aiment se moquer un petit peu de vous ou rire, ils vous laissent déguster sans rien dire, et là, vous êtes sûr de vous brûler, parce que les petites poches en question, la gelée de la farce a fondu, c'est devenu un bouillon, mais qui est évidemment brûlant. Donc il faut savoir manger les skier longbao de Shanghai, c'est-à-dire enlever une petite partie, ou les décapsuler, enlever un petit bout de pâte en haut, et laisser couler le jus dans la cuillère, et ensuite aspirer le jus. Et puis, dans le sud de la Chine, vous avez à Canton encore toute une série d'autres styles de petits raviolis, avec chacun à son nom, selon sa farce, selon la pâte qui est utilisée, enfin... C'est une vraie, c'est une vraie culture du ravioli en Chine. Et toujours ces raviolis frais, bien sûr, préparés toujours de la même façon, en tout cas ceux du Nord. Le grand classique des raviolis pékinois sont toujours préparés de la même manière. Avec, je le dis très rapidement, vous faites un rouleau de pâte, ensuite avec les doigts, toujours avec les mains, tout est fait avec les mains, vous prenez un tout petit morceau dans la pâte, dans le rouleau de pâte, vous l'aplatissez dans le creux de votre main, et ensuite avec un petit rouleau, vous amincissez le bord de cette petite enveloppe ronde pour que le milieu soit plus épais et qu'il puisse tenir la farce, et que le ravioli n'éclate pas à la cuisson lors de son pochage. La cuisine, c'est une culture, c'est un art, c'est aussi un poème. Quand, au début du troisième mois du printemps, le yin va laisser place au yang, que s'atténuent les souffles froids, que la chaleur n'est pas encore canicule, il est temps d'inviter ses amis à banqueté et de préparer des manteaux. Quand le dieu du feu gouverne la terre, que le yang est à son apogée, vêtu de toiles légères, d'eau glacée, on se désaltère sous les ombrages, cherchant le frais. À ce moment, les bing que l'on mange sont des beaux wang. Quand le vent d'automne devient violent et qu'Antarès se dirige vers l'Occident, les petits plats se mangent plutôt chauds et il convient d'offrir des kizus. Quand les frimas de l'hiver, en son mi-temps, font des rencontres au petit matin, geler la goutte au nez, givrer la laine exhalée, pour calmer les frissons et rassasier, rien n'égale les tang bing. Un texte du 3e siècle après Jésus-Christ, Chuxi, c'est une ode aux pâtes. Et c'est vous qui l'avez traduit, Françoise Saban, ce texte. Quel est-il? Comment se fait-il qu'il y avait des poèmes écrits destinés aux pâtes? Ah ben c'est parce que ça c'était un genre très à la mode à l'époque, les fous, et on pouvait écrire un poème sur à peu près n'importe quoi et on aimait beaucoup les choses très matérielles. Il y avait des réunions entre lettrés on pouvait faire des concours. Bon, alors, vas-y, toi, tu écris sur, je sais pas, il y a une chaise là ou je ne sais quoi, et hop, j'écris une ode à la chaise. Mais là, le poète Chuxi a vraiment voulu choisir les bing parce que c'était un élément de la convivialité lettrée à l'époque et que les pâtes alimentaires commençaient, ça faisait déjà un bout de temps, mais commençaient à être vraiment populaires. Et donc là, ce qui est très intéressant dans ce poème, c'est qu'on voit que chaque saison a son genre de pâtes. Et à l'époque, et ça depuis les premières attestations du mot, ces œuvres de pâtes sont désignées par un mot générique, bing, qui désignait toute préparation faite à partir d'une pâte issue d'un mélange d'eau et de farine de blé. Je veux dire, dans la conception des pâtes alimentaires, de la pâte au sens où Gaston Bachelard entend la pâte que l'on peut travailler à la main, qui résiste à la main qui suscite l'imagination, comme l'a très bien dit Gaston Bachelard, le cogito pétrisseur. Donc la pâte, à époque ancienne en Chine, est identifié par un mot, bing, qui traduit simplement l'idée de mélanger de l'eau avec de la farine. C'est-à-dire que pour nous, on a une autre catégorisation des pâtes, puisque nous faisons une distinction absolument fondamentale, essentielle, entre la pâte levée et la pâte morte, je dirais, celle du pain azyme et celle du pain levé. Et on voit toutes les implications religieuses qu'il y a derrière cette opposition dans l'Occident chrétien. En Chine, que la pâte, que le mélange de farine et d'eau soit levé ou pas, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est cette liaison entre la farine et l'eau qui produit une pâte malléable, ductile, dont on peut faire quantité de petites choses, et de pâtes qui vont avoir des formes très différentes, hein, forme d'oreille, forme de langue de passereau, forme de lacet, etc. D'ailleurs, on a un petit peu la même manière de caractériser les pâtes en Italie, hein, puisqu'il y a des orecchiettes, des lasagnes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que donc à cette époque ancienne, le mot bin, qui est un générique pour la pâte, désigne aussi bien ce qu'on pourrait appeler nous les galettes que les pâtes cuites à l'eau ou à la vapeur. Il n'y a pas de distinction dans un premier temps entre les œuvres de pâte, si je puis dire, qu'elles soient cuites, levées ou cuites dans une toile comme une crêpe, hein, ou les pâtes cuites à l'eau comme les raviolis ou un genre de spaghetti, puisqu'on faisait un genre de spaghetti en Chine. C'est beaucoup plus tardivement, vers le 10e siècle, que les pâtes alimentaires au sens où nous entendons finiront par s'appeler miennes, qui désigne la farine de blé, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles prennent le nom du composant le plus important dont elles sont issues. Et puis là, nous avons un féculent, alors que ce soit des pâtes, que ce soit du riz, et bien sûr, il y a tout ce qui est autour, l'essentiel, même ce qui est cuisiné, alors les légumes et la viande, et à partir de là, eh bien, il faut partir en cuisine. Carpe à la sauce à l'ail. C'est l'oncle Wen qui m'a donné la recette. Pousse de petits pois à la graisse de canard. Un seul canard et deux saveurs. C'est l'équilibre entre froid et chaud. Selon une vieille philosophie, il faut que la nature, l'énergie et la saveur s'équilibrent dans un plat. Oui, je vois. Comme le yin et le yang doivent s'harmoniser. Te moque pas de moi. Et des pâtés ensuite. T'en as fait pour un régiment? J'en fais toujours trop. C'est parce que j'ai appris à faire la cuisine dans un restaurant. Je me souviens. De quoi? Si drôle, tous mes souvenirs d'enfance comme une odeur de cuisine. Un extrait de Salé sucré, un film de Ang Lee en 1994. Nous entendons François Saban, ce désir d'équilibre. Alors Salé sucré, c'est le titre du film, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment toute une réflexion dans la cuisine chinoise autour des saveurs à équilibrer. Oui, vous avez tout à fait raison. Et dans un menu, disons, gastronomique, et alors la représentation d'un beau menu gourmand, justement, est très bien faite dans le film que vous avez cité. C'est magnifique, et surtout le rôle du cuisinier, évidemment, dans cette affaire qui, à l'instar de ce qu'enseignait Yi Yin à son souverain, maîtrise absolument à la fois les processus techniques, mais aussi justement l'association et l'harmonie à la fois des consistances et des goûts, puisqu'il n'y a aucun goût qui domine dans la cuisine chinoise. Tous les goûts doivent être représentés de manière équilibrée. Et par exemple, cette grande coupure que nous avons, je vais parler de la France, hein, que nous avons entre le salé et le sucré, qui a produit ce qu'on appelle le dessert dans la culture aristocratique, culture alimentaire aristocratique, puisque après les plats salés, on desservait, et il y avait ce qui est devenu le dessert, c'est-à-dire on n'a pas, avec des plats, disons, majoritairement sucrés, en Chine, il n'y a pas cette coupure. Le concept du dessert, entre guillemets, traditionnellement, n'existait pas en Chine. Et au début, lorsque j'étais en Chine, je me souviens très bien d'une session, d'une invitation à un repas à Taïwan, où est arrivé sur la table, quand même vers la fin du repas, un plat sucré mes amis ont commencé à le déguster, à le manger, alors qu'il y avait encore des plats salés évidemment sur la table, avec les mêmes baguettes. Je trouve ça surprenant. Bon, il faut... Mais Françoise Sabin, dans l'histoire de la cuisine chinoise, tout ce que nous avons comme élément de réflexion vient évidemment de textes donc qui sont réservés à une catégorie dominante de la population qui réfléchit à ce qu'elle mange. L'archéologie va sans doute beaucoup plus nous aider pour savoir ce que la population mangeait tous les jours, le peuple au quotidien. Malgré tout, est-ce que dans l'ensemble de la société, ces réflexions sur le goût sont diffusées au-delà de simplement la nécessité de manger pour survivre? Dès qu'il est possible de manger, est-ce qu'il y a cette attention aux différentes saveurs? Oui, vous avez parfaitement raison. Cette attention aux saveurs est quelque chose qui est extrêmement diffusé, mais évidemment qui est très bien exprimé par les lettrés, les écrivains qui n'appartiennent pas au peuple, si je puis dire. Mais partout, effectivement, il y a ce respect des goûts. Et lorsqu'on doit manger un grand repas, par exemple un banquet de mariage, les plats qui sont servis sont aussi appelés, on appelle du même mot, oui, le goût et les plats sophistiqués qu'on sert dans un grand banquet. Donc il y a toujours une attention très importante au goût. Et c'est vrai que lorsqu'on veut donner un avis sur un repas, si on l'a aimé, etc., on dit « Ah, ça avait du goût, c'était bon, ça avait du goût ». Avoir du goût, c'est vraiment le premier jugement que l'on émet sur un plat raffiné. « Ah, ça a du goût ». Et dès lors, la cuisine a du goût, donc elle s'exporte. Si les Japonais nous permettent de rêver en cette période de fête à ce que sera peut-être notre vie quotidienne en l'an 2000, les Chinois, eux, nous proposent un produit de consommation immédiate et qui fait fureur, leur cuisine. Elle est facile, elle est pas chère et elle ne fait pas devenir gros. Jacqueline Dubois. Ils sont six chefs chinois célèbres de passage à Paris. À l'hôtel de Pékin, où ils sont employés, ils préparent les mets les plus exquis, à l'intention des touristes et des hommes d'affaires étrangers qui ne cessent d'affluer en Chine depuis quelques années. Chez les Chinois, la cuisine, comme la vie, est une question d'équilibre et d'harmonie. Si vous laissez l'équilibre et l'harmonie s'épanouir librement, disait Confucius, un ordre heureux règnera sur la terre et le ciel, car la terre, le ciel et les 10 000 choses sont unies. Voilà, tout est uni. Toujours cette recherche d'équilibre, cette réflexion à travers même le journal télévisé de la première chaîne de télévision française en décembre 1982. Françoise Sabin, réflexion sur l'équilibre. Vous nous avez parlé de la cuisine chinoise. Et là, nous évoquons cette cuisine chinoise qui arrive chez nous. Nid d'hirondelle, nems, canard laqué, riz cantonais, rouleau de printemps. Est-ce que les Chinois mangent cela en vérité? Est-ce qu'ils pourraient comprendre notre manière de consommer la cuisine chinoise? La cuisine chinoise que nous avons eu l'habitude de manger pendant ces 30 dernières années, si je puis dire, ne représentait pas la cuisine chinoise de grande qualité. C'était une cuisine totalement adaptée au goût français. Et là, je pense que les restaurateurs chinois n'ont pas rendu service à leur tradition gastronomique. Ils ont essayé de s'adapter pour avoir la clientèle la plus nombreuse. Ne serait-ce que, justement, l'ordonnancement du repas. Je veux dire, d'abord, on vous servait pas tous les... Je veux dire, les gens commandaient... Les convives français commandent un plat chacun. Or, la grande caresse de la cuisine chinoise et le partage des plats. C'est-à-dire chacun a son féculent, même dans les plats, les repas les plus simples. On a tous un bol de féculent, c'est-à-dire du riz. Et ensuite, les plats que l'on consomme avec le riz sont des plats partagés. C'est-à-dire que ce sont des plats communs qui sont mis au milieu de la table. Et en général, il en faut autant et un de plus au moins que les membres de la tablée. Donc, alors, l'interprétation qu'on avait en France de la cuisine chinoise était conforme au modèle du repas français, avec une entrée, un plat et un dessert, le tout accompagné de vin rosé. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec la tradition, sans même parler d'authenticité, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'authenticité, mais disons ce qui se pratiquait couramment en Chine. Alors, à l'heure actuelle, il y a une nouvelle génération de jeunes cuisiniers chinois à Paris qui essayent d'améliorer la situation. Je pense qu'en partie, certains y parviennent très bien. Certains y parviennent très bien, mais j'ai envie de vous poser, Françoise Sabant, la question de l'inverse. C'est-à-dire, cette fois-ci, comment la cuisine chinoise en Chine est influencée par la cuisine occidentale? Alors là, c'est une question, une autre question est très complexe, parce que la grande cuisine chinoise à l'heure actuelle en Chine est toujours aussi merveilleusement raffinée, mais vu l'extraordinaire éventail de cuisines différentes que l'on peut trouver en Chine de tous les pays, il y a eu progressivement depuis les années 80 l'absorption dans le répertoire alimentaire des ingrédients qu'on pouvait qualifier de typiquement chinois, de tout un tas de produits dits occidentaux. Hein. Ça a commencé par exemple avec le saumon, le beurre, et maintenant vous trouvez des plats relativement classiques chinois, comme un sauté de crevettes ou de coquilles Saint-Jacques avec de la truffe. Vous trouvez aussi dans des restaurants qui sont quand même assez populaires, mais aussi qui ont un certain niveau, vous pouvez trouver du foie gras poêlé, et qui est d'ailleurs remarquablement bien fait, parce que les cuisiniers chinois ont quand même un grand talent, et ils ont très bien compris comment traiter ce produit, qui est très délicat à cuisiner. Donc vous avez tout, absolument tous les registres en Chine à l'heure actuelle. Et vous avez toujours le registre très classique, justement, avec les ailerons de requin et les grands plats traditionnels de la très haute gastronomie chinoise classique dans de très grands restaurants. Mais vous avez aussi des restaurants d'un niveau peut-être un petit peu inférieur, mais qui incluent dans leur répertoire des produits chics occidentaux. Donc, eh bien voilà, justement, Françoise Sabant, vous nous avez donné envie d'aller goûter tout cela. Alors avant peut-être d'y aller, on peut lire Les Séductions du Palais, Cuisiner et Manger en Chine, votre ouvrage écrit avec Jean-Paul Desroches, publié aux éditions du Musée du Quai Branly et d'Actes Sud, en lien avec l'exposition qui avait lieu à ce moment-là et qui donnait elle aussi très envie. Merci beaucoup, Françoise Sabant, de nous avoir présenté le lundi ses raviolis, cette cuisine chinoise. Il est temps de retrouver maintenant Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, le Brexit et l'avenir de l'Écosse. Il ne reste que quelques semaines avant la fin de la période de transition qui nous conduit lentement mais sûrement au Brexit le 1er janvier. Les toutes dernières négociations pour éviter une sortie sans accord et réglementer les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont en cours, avec en ligne de mire les droits de pêche. Si la frontière irlandaise est aussi en jeu, l'Écosse s'interroge sur les options à sa disposition et Nicola Sturgeon, la première ministre de cette nation constitutive du royaume, a engagé une campagne pour l'indépendance lors du congrès du parti indépendantiste écossais, le SNP, qu'elle dirige, en affirmant qu'elle n'avait jamais été aussi certaine de sa réalisation. Let us demonstrate with cool heads and patient persuasion that Scotland is ready to take our place in the global family of independent nations. Scotland is now a nation on the brink of making history. Dans cette vidéo postée la semaine dernière, Nicola Sturgeon encourage à croire avec calme et patience que l'Écosse est prête à prendre sa place au sein de la famille des nations indépendantes, affirmant qu'elle serait sur le point de faire l'histoire, son histoire, qui s'est largement construite dans la lutte contre l'Angleterre. En février 2020, l'historien Thomas Devine, professeur émérite à l'université d'Édimbourg, dont la rédaction du magazine L'Histoire précise qu'il est le seul historien de l'Écosse anobli par la reine, revenait sur les relations tumultueuses entre l'Écosse et l'Angleterre. Vassalisés par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, les Écossais, qui conservent quand même leur couronne et leur dynastie, ont oscillé entre soumission et revendication d'indépendance jusqu'au XVIIIe siècle. Une histoire guerrière pour un territoire relativement pauvre, mais avec des atouts, ses moutons et ses poissons qui intéressent les États du continent voisin, la France en tête, qui joue de ses divisions contre l'Angleterre. Une alliance intéressée qui perdure depuis plus de 7 siècles et à laquelle Charles de Gaulle faisait encore référence pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si dans son allocution, Nicolas Sturgeon insiste sur la communauté globale que les Écossais s'apprêteraient à rejoindre dans le cas d'une indépendance, les Écossais n'ont pas attendu pour envoyer leurs intellectuels massivement dans les universités du continent et leurs mercenaires militaires. Un peuple qui circule d'abord pour survivre, mais aussi pour s'assurer de rester présent en tant que nation utile à défendre. L'alliance, conclue avec l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, assure malgré tout un essor économique et urbain à l'Écosse, largement soutenu par les opportunités de l'empire colonial britannique. C'est Margaret Thatcher, dans les années 80, qui rallume avec force les feux de l'hostilité contre une Écosse qu'elle perçoit, à juste titre, comme un foyer d'opposition politique travailliste. L'affirmation de l'identité écossaise, la « Scottishness », fait son grand retour face à la « Britishness », une opposition qui nourrit l'essor du parti national écossais, celui de Nicolas Sturgeon, au point qu'il devient le premier parti du pays en 2007. Si le Brexit lui-même a contrarié les électeurs écossais qui ont majoritairement voté contre cette sortie de l'Union européenne, c'est aujourd'hui la gestion du coronavirus qui alimente les mauvaises relations avec le gouvernement britannique. Les sondages semblent donner raison à Nicolas Sturgeon dans la perspective d'un référendum sur l'indépendance écossaise réclamé pour 2021, mais le casse-tête d'une sortie de l'Union européenne couplé avec une sortie du Royaume britannique pourrait dissuader les Écossais de tenter l'aventure. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Judas, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, c'est mardi. Et le mardi, c'est spaghetti. Mais attention, spaghetti antique. Oui, nous allons parler de la cuisine romaine. En écho à l'exposition à Lyon au titre magnifique, une salade, César ?